broadcasting. Culture where creativity was consumed, but the consumer is not a creator. A culture which is top-down, owned, where the vocal cords of the millions have been lost. Digital technology is the opportunity for the revival of these vocal cords. I mean, culture where people produce for the love of what they're doing and not for the money. Bonjour tout le monde, bienvenue au podcast Mac Québec. C'est l'épisode du 22 mars 2012. On est en ce moment 10 participants en ligne. Le podcast Mac Québec est un podcast de présentation du monde Apple, des nouvelles qui se sont passées depuis les deux dernières semaines. Avec moi, j'ai mes deux co-animateurs. Celui que vous voyez à la caméra, c'est Jean-François Roy. Ça va bien, Jean-François? Oui, toi? Oui, passe une bonne semaine. Oui. Excellent. Est-ce que tu t'es remis de notre belle nuit? Oui, ben je vais en parler un petit peu plus loin. Oui, là. D'ailleurs, le podcast s'est terminé assez abruptement, mais on va y revenir. Et celui qui est toujours dans l'ombre, c'est Vincent Miller. Oui, bonjour. Ça va bien? Ça va bien, toi? Oui. Tu sais que c'est un show à propos de Apple, pas à propos de tes fantasmes. Non, oui. Attends un petit peu, je vais remettre mon pantalon, puis... Oui, c'est bon. Excellent. On a beaucoup de choses aujourd'hui. C'est un gros show. On va commencer, en fait, avec... j'ai présenté les animateurs. Malheureusement, Bernard était avec nous. Il y a eu des petits problèmes techniques, je ne dirais pas comme d'habitude, mais lui, il en a eu. Là, il est en train de se battre avec un lion, en fait. Et il a décidé, en fait, de ne pas être là pour ce soir. D'après moi, c'est Lyon qui va gagner. Non, d'après moi, Snow Leopard va revenir au galop. Il va te réinstaller ça, ça sera pas long. Donc, on va y aller avec les coups d'os et les coups de 12. En avez-vous? Oui, j'en ai deux. C'est ça. Fait que j'en ai deux. Moi, j'ai un coup d'os et un coup de 12, tu sais. Fait que le coup de 12, ça va aux étudiants qui sont en train de faire la manifestation. Vincent, je ne veux pas t'entendre parler un seul mot. qui ont fait la manifestation hier, qui ont bloqué le pont Champlain. Et je sais que moi, j'ai pas de voiture, mais je veux dire, ça se fait pas, là. Tu peux pas bloquer un pont, tu peux pas entraver. Pas ceux d'aujourd'hui, là. Aujourd'hui, ça s'est bien passé. Ouais, aujourd'hui, là, j'ai top notch, là. C'est bravo, là. Je l'ai tweeté tout l'après-midi, bravo, puis ça a super bien été. Mais ceux d'hier, qui ont à peu près les 150 personnes qui ont bloqué le pont Champlain, je m'excuse, mais vous ne pouvez pas bloquer un pont, là. C'est côté économique, là aussi, là. Tu sais, le monde vont travailler, ils s'en vont travailler pour payer vos études. Fait que ça ne se fait pas. Trouver d'autres moyens, mais pas bloquer des ponts. Et c'est ça. Fait que ça, c'est mon coup de dos. Et mon coup de dos, c'est ça s'en va à la police de la ville de Montréal, qui font une méchante bonne job avec qu'est-ce qui se passe présentement avec les manifestations. Soit côté... ce qui s'est passé chez la brutalité policière et aussi chez les étudiants depuis quoi, à peu près, Vincent, c'est 6 semaines? C'est la 6e semaine cette semaine? Je suis pas sûr. On peut dire que la soirée où on a été au Apple Store la semaine passée, on était contents qu'ils soient là, en tout cas. Oh que oui! ils ont arrêté les gens juste à De La Montagne, là, juste avant d'arriver au Apple Store, puis qu'ils se rendent compte qu'il y a un nouveau iPad puis qu'il est probablement dans le magasin. Là, ouais. Ça aurait comme pas été beau. Mais il y a aussi un coup d'os rapide, puis t'ouvre une parenthèse là-dessus. J'ai vu le compte de la Sûreté du Québec qui a remercié les étudiants de pas, justement, en fait, de grebuge, rien. Donc, c'est un petit coup d'os rapide sur ça. On voit rarement des policiers remercier la population ou remercier les manifestants d'avoir rien fait, finalement. Donc, c'est un petit coup d'os là-dessus. Pour moi, mes coups d'os et coups de 12, mon coup d'os va aller à des discussions politiques que j'ai eues sur Twitter, vu qu'on est dans le domaine, avec Patrice Côté, en fait. Puis je trouvais que c'était très respectueux, fait que je lui lève mon chapeau. C'était le fun de discuter, puis de rester ouvert. Et pour ce qui est de mon coup de 12, c'est mon coup de 12 va à Rogers, en fait, qui fait aucune distinction entre son réseau 3G et en fait qui fait une distinction entre son réseau 3G et 4G et qui permet pas, contrairement à TELUS et à Bell, de faire un partage de données entre vos deux appareils. C'est-à-dire que si vous avez acheté le nouveau iPad que j'ai ici dans mes mains, c'est sûr qu'en audio, vous ne le voyez pas bien, là. Mais si vous avez le nouveau iPad et que vous voulez, par exemple, utiliser les données que vous avez déjà sur votre téléphone chez Rogers, normalement, avec le iPad 2, on pouvait payer une douzaine de dollars par mois. Et les deux appareils étaient inscrits au compte et recevaient, en fait, se partageaient le X montant de gigs de données que vous aviez. Or, ils ne le font pas chez Rogers, mais ils le font chez la compétition. Donc, d'autres... Ça va peut-être changer, je ne sais pas. Ça va... Ben, si ça change, ça va être de ma faute, c'est ça que je vais me dire. Oui, peut-être, peut-être. Mais... non, mais c'est ça. T'sais, c'est sûr que c'est plate, là, t'sais, surtout quand on est en ligne, on est en ligne, puis là, à 6h du matin, on était en train de déjà appeler chez Rogers là, pour avoir des informations, puis... C'est quoi ça, iPad? Oui, oui, ça c'est encore la même affaire. Là. Ils ne savaient pas du tout de quoi on parlait. On va revenir justement à la soirée qu'on a eue. D'abord, je tiens à m'excuser auprès des auditeurs qui nous ont suivis. On était quand même je pense qu'on était 35 dans le pic là, à écouter en même temps. J'étais vraiment très, très impressionné. Puis, on vous remercie. La diffusion s'est terminée abruptement parce qu'à un moment donné, en fait, tout le monde est parti pour chercher de la bouffe ou des trucs comme ça. Jeff est parti. Et moi, je suis resté et il a commencé à pleuvoir. Fait que là, j'étais pogné avec tenir un parapluie au-dessus des deux ordinateurs, plus tenir mon micro parce que j'avais pas mon support. Et il y a un cave parce que, bon, on est sur la rue puis tout ça, puis c'est le direct. Il y a un crétin qui est passé et qui s'est mis à taper sur... il a comme joué une... T'sais, il est passé à côté d'un parapluie, puis il a fait « je vais faire une niaiserie, je vais taper du drum dessus ». Puis ça a fait que le petit fil qu'il fallait pas qu'il se déconnecte en quelque part, ben il s'est déconnecté, puis on a perdu la diffusion. Puis là, ben, il pleuvait, j'avais la responsabilité de l'ordinateur à JF. En fait, le podcast s'est pas vraiment coupé. Nous, on a continué à parler un peu, Bernard puis moi, oui. OK. Parce que dans le fond, on ne s'est pas vraiment reparlé depuis, là, mais. Hop, il est un petit peu. Le son est trop faible. Ouais, Alexis, lève ton son un peu. Ouais, ben moi, je l'ai levé, mais là, on dit que c'est le son de M. Miller. C'est peut-être un problème avec le plugin Flash. On s'excuse, ça va se rééquilibrer tout seul. Là. Donc, c'est ça. Puis, en fait, on a fait un wrap-up un peu de la présentation du nouveau iPad pour ceux qui ne l'avaient pas écouté ou on avait parlé un peu justement de la présentation aussi vers la fin. Là, donc, mm-hmm. Ouais. Moi, j'ai eu quelques échos de ça. J'ai eu quelques échos aussi de la présentation qu'on a faite la semaine d'avant où on a quand même eu des bons scores. On n'a pas battu le iPhone 4S, mais on a quand même eu des bons scores. C'était très appréciable. Sinon, toi, t'es resté... en fait, JF, t'as comme été un peu déçu. Hein? T'es resté comme toute la nuit pour t'acheter un Apple TV. Puis le lendemain, il ne l'avait pas reçu. Il était pas reçu encore. C'était le fun? Ouais, c'était le fun. Ben, c'est pas grave. J'ai passé quand même une belle nuit. C'était le fun. Là, ils l'ont reçu pendant la journée, hein? Ouais, c'est ça. Parce que c'est quand tu m'as retweeté dans la journée, moi, je venais genre de me réveiller. Fuck off, m'avoir toujours tout pas là. Moi, je suis resté à peu près 18 heures devant le magasin, là, donc de 3 heures à 8 heures le matin. Et quand j'ai eu fini d'acheter... Laisse faire, toi. Ouais, tu sais, Bernard, tu vas probablement te plugger sur ta machine, puis tu vas te rendre compte qu'il est brisé ou quelque chose. Alors, est-ce qu'on m'entend bien? Oui, tout à fait. Oui. Bon, parfait. Alors, j'ai redémarré Lion, mon ami Lion. Non. Fait que non, c'est ça qu'on. C'est ça que. Tu sais, c'est comme. Parce que. Moi, je suis arrivé. Alexis est arrivé à 3 heures. Moi, je suis arrivé à vers 7 heures environ. Puis, comme de fait, je suis rentré direct dans la manifestation contre la brutalité policière. Fait que ça surprend quand tu le sais pas, que quand tu sors du métro, tu tombes en face de ça. Là, fait que c'est comme. Mais j'ai passé une très belle nuit. C'était super le fun. J'ai rencontré plein de bons mondes. Dave. On a vu Dave. Je sais pas s'il est là en ce moment. Si on a rencontré Dave. Ouais. C'était vraiment chouette. Ouais. Fait que c'était vraiment cool. Fait qu'on a passé une belle nuit. Un de nos auditeurs qui est venu avec nous, c'était vraiment très trippant. On a parlé de plein d'affaires. On a parlé, moi puis Dave, on a parlé comme, je sais pas, une demi-heure, une heure avec un dude sur la rue. Qui est venu nous voir à la sortie des bars. Une autre chose aussi, je sais pas si... en fait, on nous a donné l'explication à la fin de la nuit, puis je sais pas comment ça va sortir, mais tout au long de la nuit, il y a des demoiselles qui passaient devant nous et aucune n'avait un accoutrement décent. Ouais, c'est ça. C'est vraiment ça que je pourrais dire. Ce qu'on nous a expliqué à la fin de la nuit, c'est que c'était le Spring Break ontarien et que les filles de l'Ontario, vu que bon, ils pouvaient boire à 18 ans au lieu de 19 ans et que les bars fermaient à 3 heures au lieu de 2 heures de l'après-midi, venaient ici. Et honnêtement, écoute, là, c'était... Avoir joué à l'épée, là, on aurait pu leur demander... combien tu charges, tu sais, vraiment, là. Non, c'est vrai. Oui, je sais, Alexa a raison. Le soleil se levait et la première fille habillée décemment est passée, tu sais. Oui, exactement. Il y en a même qui sont passés nu-pieds, puis l'asphalte était tout tremble, il mouillait toute la nuit, là. Voilà. C'était l'enfer, c'était dégueulasse. Je sais pas pourquoi on en parle, mais oui, effectivement, là, c'était un petit peu... Regardez les papas là, qui ont des filles de 18-19 ans. Là, checkez vos affaires. Là. Mm. Moi, en tout cas, ça m'a fait capoter. Je vais tellement checker la mienne. Moi, je suis passé sur l'heure du midi pour aller voir. Ben, j'avais appelé avant pour voir s'il avait reçu les Apple TV. Il venait juste de le recevoir à 11h. Et moi, je l'avais commandé par le Apple Store et il n'était même pas encore parti. Fait que j'ai annulé. J'ai annulé la commande en ligne. J'ai été le chercher sur l'heure du midi et il restait encore des iPads. Ouais. Il y avait juste le 16G. Il en restait jusqu'à dimanche. En fait, même moi, là, je travaille dans un magasin dont je tairai le nom, où il y a bureau, puis en gros, dans le mot, là, entre autres. c'est un type, là, c'est pas... Puis nous, on a eu des iPads, là. On a encore des iPads. On en a une couple. On en a reçu, puis... je voyais du monde chez Futureshop qui attendait là, devant la file, parce que comment c'est fait à Trois-Rivières, on est comme à côté du Futureshop en fait. Puis il y avait du monde qui faisait la file dehors. Puis écoute, nous, notre équipe, on s'avait fait. Je me suis fait appeler d'urgence comme la journée avant pour dire écoute, peux-tu venir, on va avoir besoin de monde. Finalement, ils sont préparés, hein? Je pense qu'il y a eu 4 personnes qui sont venues pour l'iPad. Puis nos tablettes étaient pleines encore d'iPad finalement. Là. Fait qu'on. On n'a jamais manqué d'iPad. Mais bon, faut dire que Apple s'était préparé, ils avaient du stock, faut leur donner ça. Ouais. L'autre chose aussi, c'est que, et nous, on s'en est rendu compte pendant la file, il y a eu beaucoup moins de monde en file à cause des préventes majoritairement. Parce que pour en vendre 3 millions, ils ont annoncé cette semaine qu'ils en avaient vendu 3 millions, puis ils ont annoncé ça quoi, lundi, mardi? Lundi. Donc, en 10 jours, 3 millions de vendus. T'sais, alors qu'un produit comme, je sais pas, le premier iPad, ça avait pris 3 mois pour se vendre au même... En fait, ça se peut pas en 10 jours. Ben, tu calcules. Ouais, c'est ce que disait, 3 millions en un week-end. Les préventes, ouais, c'est ça. Les préventes, ouais, c'est ça, les préventes sont incluses dedans. Là. OK, OK. C'est pour ça que ça fait 10 jours. Là. Qu'est-ce que j'ai lu? C'est 3 millions, ça représente 25 % de toutes les tablettes Android vendues jusqu'à maintenant. Wow! Ça se peut pas. Ben, attends, je vais essayer de retrouver. 25 % de 3 millions, ça ferait 12 millions de tablettes Android, peut-être. 25 % de 3 millions? Mais non. Millions, Alexis. Alexis, il a raison. 3 millions représentent 25 % de toutes les tablettes vendues. Donc, si 3 millions, c'est 25 %, 100%, c'est 12 millions. Ouais. Puis ça voudrait dire qu'il y a 12 millions de tablettes Android. C'est possible, c'est un peu... je ne sais pas exactement. Là. On va enchaîner parce qu'on a quand même tout un show devant nous. Je voulais, en fait, pour ceux qui se joignent à nous et qui ne le savent pas, on a un deuxième show tout de suite après qui s'appelle « Les amateurs de Mac, bonsoir » et qui est une ligne ouverte où vous pouvez venir pour nous poser des questions, que ce soit à propos du iPad, comment je fais pour activer, je ne sais pas, la dictation sur mon iPad ou un paquet de questions comme ça. Donc, vous pouvez venir, ça va être sur l'autre channel. En fait, si vous êtes sur macquebec.com/podcast avec un S, vous restez là et puis juste en bas ou en haut de où est-ce que vous êtes en ce moment, vous allez avoir le deuxième show qui va être projeté dès 22h15. On se donne un petit peu de temps là, pour faire une pause entre les deux. Alors, je viens d'envoyer le lien là, dans le chat pour les gens qui, qui veulent voir l'article en question. Ah, excellent. Cette semaine, j'ai tweeté aussi qu'on remerciait en fait les auditeurs parce que le podcast était 88 et 95e sur iTunes. C'était pas tout à fait vrai. En fait, au moment où est-ce que j'ai regardé dans la section « What's hot » et j'ai compté où est-ce qu'on était. C'était pas ça qu'il fallait que je fasse. Il fallait que j'aille à côté dans la section « podcast ». Et en fait, nos podcasts sont 70e pour ce qui est des amateurs de Mac Bonsoir et 188e, je crois, pour ce qui est du podcast Mac Québec. Donc, je vous remercie encore, mais faites un effort pour le podcast Mac Québec. On va essayer de le mettre en ligne le plus tôt possible après l'enregistrement. Oui, voilà. Hein, Vincent? C'est chiant. Fait que dans le fond, pour les trois prochains jours, je vais comme travailler de nuit. Voilà. Exact. Ouais. On voulait aussi vous parler de quelque chose en fait qui mijote puis qu'on retient depuis un certain temps. Je suis assez excité de vous parler de ça. Vous savez, sur le site de Mac Québec, on a un site de nouvelles. On avait un forum qui a été, pas remplacé, mais on a eu un nouvel outil qui s'appelle Mac Québec Entraide. Et là, on regardait qu'est-ce qu'on pouvait offrir à la communauté. Et il y a quelqu'un qui nous a approché avec une idée vraiment pas bête. Et cette idée-là, en fait, c'est lesmac.com. Donc, je vous donne la permission d'ouvrir un autre onglet et d'aller voir sur lesmac.com. C'est un site dont on va beaucoup vous parler dans les prochains temps. Et qu'est-ce que c'est? Bien, c'est tout simple. C'est un site de petites annonces classées où vous pouvez mettre votre matériel Macintosh. Donc, plutôt que d'avoir à faire des recherches dans un gros site comme eBay ou Kijiji ou quoi que ce soit, bien, vous pouvez aller sur lesmac.com. Afficher des petites annonces classées est totalement gratuit et le site est, ma foi, très joli. Donc, quand la personne est venue nous voir pour nous proposer l'idée, on a tout de suite décidé d'embarquer. On est en discussion avec cette personne-là. Et puis, en fait, si vous y allez en ce moment, essayez pas d'acheter un produit qu'il y a dessus. Ce sont des dummies. Mais ce qu'on vous propose de faire, et en fait, la nouvelle, là, il y a 15 personnes actuellement qui écoutent le podcast, puis il va en avoir en fait quelques centaines d'autres qui vont l'écouter là, en différé, vous êtes les premiers à le savoir, mais vous pouvez aller là, faire votre ménage du printemps. Les adaptateurs à Apple là, que vous n'avez plus de besoin parce que c'était du vieil ordinateur ou vous avez un power adapter de trop ou des trucs comme ça, bien, mettez-les là-dessus. C'est sûr qu'il y a quelqu'un qui va chercher un bon deal. On va forcer Bernard à mettre sa console là-dessus dans pas long. Puis... Ah, ma console n'avait rien à voir ce soir. OK. C'était Lion le problème. On va forcer à mettre Lion là-dessus. Puis, J'ai bien peur de Mountain Lion. Ouais, ben, en tout cas, moi, il s'en va de ma machine bateau. Là. Ça s'en va bientôt. Donc, les Mac.com. Puis, ce qu'on trouve bien intéressant, c'est que plutôt que d'essayer de faire... il y a beaucoup de sites comme ça qui offrent, en fait, si vous passez par eux pour acheter des produits à Apple, eux font une espèce de cote là-dessus. Ce qu'on s'est dit, c'est, bon, ça, il y en a beaucoup des sites qui font ça. Qu'est-ce qu'on pourrait offrir de différent? Et quand cette personne-là nous a approchés, on a fait « Wow, c'est super » parce que c'est des produits qui se dévaluent un peu moins, disons, que des PC, pour être gentil, et que à ce moment-là, en fait, vous pouvez facilement, en fait, revendre, puis c'est ce que j'ai fait pour mon iPad, vous pouvez revendre et acheter des trucs de seconde main qui feraient votre affaire. Par exemple, vous voulez vous monter, je ne sais pas, un petit Media Center avec un Mac mini, mais au lieu d'acheter le dernier modèle, vous pouvez peut-être vous en trouver un peu moins cher sur lesmac.com. Donc, voilà. On est bien content de vous annoncer ça en primeur. On n'en a même pas encore parlé sur le site. Allez-vous utiliser ça, vous autres, les gars, les Mac? Oui, c'est une bonne idée. Je vais sûrement mettre mon MacBook que j'ai présentement dessus quand je vais changer pour mon MacBook Pro. Là. C'est celui en polycarbonate, c'est ça? Oui. On le signera. Wow, oui, on va le signer, c'est vrai, on va le signer. Mais en fait, 200$ de moins. Ouais, c'est ça. En fait, ce qu'on fera, c'est que il y a une compagnie qui s'appelle c'est Spec. Spec qui vend des espèces de coquilles que tu peux clipper par-dessus en plastique. Fait que ce qu'on fera, c'est que on en trouvera une. Ils vont nous en envoyer une ou quelque chose, on leur en demandera. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va signer la coquille qu'on va clipper par-dessus l'ordinateur. Fait que il sera pas ou quoi que ce soit. Ouais. Alexis? On a perdu Alexis. Non, je suis là. OK, ah. T'es revenu. Je suis là. T'es de retour. Ouais, j'ai mis la main sur le fil qu'il fallait pas. Là. Bon. Ah, okay. Maintenant, je pense que ce fil USB-là, il le sait pas, mais ça va tellement au vidange après le show. Je connais du monde qui ont acheté des fils USB avec des petites lumières dedans. Tu l'as entendu? Oui, mais c'est pas celle-là. C'est pas celle-là. Bon, ça y est. Pour finir, en fait, on voulait vous parler, ben, avant de tomber dans les sujets, parce qu'il va nous rester à peu près une demi-heure pour ça. On voulait vous parler. Il y a monsieur Jonathan Laberge sur Twitter qui m'a contacté et m'a dit: écoute, j'ai ceci. Et là, je le mime pour les auditeurs audio. C'est un smart cover de Apple, le vert. Pas celui qui est en cuir, mais... Vert pomme. Ouais, vert pomme, voilà. Et il me l'a fait parvenir. Et il l'offre, en fait, lui, une petite compagnie de housses à iPod et tout ça. Et il en reçoit d'un peu partout. Puis sa compagnie s'appelle... Je vais la montrer à l'écran. C'est iPlanet Pod. Donc, voilà, il m'a fait parvenir des... Parle devant ton micro, Alexis. Des étuis à iPhone et à iPod. Et celle-là, ma foi, est très intéressante. C'est un étui qui émule, en fait, une vieille cassette. Fait qu'on la met sur son iPod Touch. Et à ce moment-là, il y a le trou pour la caméra, tout ça. Ça permet de le contrôler quand même. Et de dos, en fait, ça a l'air d'une vieille cassette Maxwell 90. On peut donc, mettez pas ça dans votre vieux deck, là. Que... Oui, voilà. donc, on a ça à faire tirer. On verra. Ça va probablement être dans le cadre du LAMD, plus qu'on va les donner à ceux qui posent des questions. Pour ce qui est du smart cover, par exemple, parce que c'est pas un mince prix, c'est quand même assez chouette. Et j'ai vérifié, en fait, là, mais le numéro de produit correspond à la deuxième version du smart cover. Fait qu'il fonctionne sur les nouveaux iPads. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre en place sur le site de Mac Québec une petite page concours sur laquelle nous allons mettre 5 photos de Apple Store de n'importe où dans le monde. Et en fait, ce que vous allez avoir à faire, c'est de remplir un petit formulaire avec votre email, tout ça, et de nous donner vos réponses par rapport à où sont ces Apple Store-là. Parmi ceux qui auront la bonne réponse, à ce moment-là, on fera une pige et celui qu'on aura pigé se méritera le fabuleux prix, le smart cover. Et évidemment, on s'imagine que ceux qui vont participer au concours vont être des gens qui vont avoir un iPad. Sinon, ça ne sert à rien et ça enlève comme un petit peu des chances. Ben, moi, je vais participer, mais je vais leur faire tirer après. Moi, je vais participer puis si je le gagne, je vais le mettre sur les Macs. Ah, c'est bon. C'est bon. Vente aux enchères, on va tout signer. Voilà. Ah non, on va vraiment le saloper. Là. Bon. Messieurs, est-ce on que. Oui. Ben, en fait, peut-être on a fait un retour sur la nuit du iPad, mais une semaine après, vous, vos impressions. D'abord, est-ce que vous en avez acheté un nouveau iPad? Non. OK, moi, non. Jeff, non. Bernard, non plus. Puis Vincent. J'ai voulu m'en acheter un, mais c'est encore le problème de l'auto. Là. OK. Les réparations qui ont coûté très cher, fait que je vais attendre un petit peu. Bon, écoutez, rapidement, moi, en fait, j'avais une version et je suis allé l'échanger. J'avais pris un 32 gigs et je suis allé l'échanger chez Apple cette semaine. Je trouvais que la batterie foutait le camp vraiment trop rapidement. Et il me semble, en fait, qu'avec le nouveau, c'est beaucoup mieux. La recharge prenait excessivement de temps, mais ça semble... C'est général, là. Mal, là. C'est général, mais je veux dire... vraiment beaucoup de temps. Et elle se déchargeait aussi très rapidement. Mais moi, apparemment, excuse-moi, Vincent. Apparemment que c'est l'adapteur de courant qui n'est pas assez fort pour le iPad. Ben, ouais, c'est le même. Oui, ben, effectivement, c'est un 10 watts. C'est ça, c'est un 10 watts. Et la problématique, en fait, moi, ce qui m'a fait capoter, puis je n'ai pas vérifié sur celui-là, là, mais sur l'autre que j'avais, c'est que tu l'utilisais branché et il perdait quand même de la charge. Puis j'étais comme, minute, là. Alors, c'est-à-dire qu'il était, comme pas très fort, il restait pas beaucoup de batterie. Je l'ai branché, j'ai continué à l'utiliser. À un moment donné, il a fini par se fermer à cause du pas de batterie. J'ai fait comme, je suis comme plus ou moins d'accord. Fait que là, c'est beaucoup plus restrictif au niveau de l'utilisation. Et moi, j'allais dire, moi aussi, j'en ai eu un nouveau iPad, mais en fait, c'est pas le nouvel iPad. C'est, en fait, j'avais un problème de... Un playbook qu'ils t'ont donné à ta job? Non. Quoi que le playbook est le fun... C'est ça, je voulais te dire. En fait, si tu veux vendre des iPads, peut-être tu devrais enlever tes posters de playbook devant le magasin. Ben, écoute, si je t'envoyais une photo, là, c'est juste des images d'iPad sur notre magasin. Bon. En fait, donc c'est ça, j'ai eu un nouvel iPad parce que, en fait... un iPad 2. Parce que mon iPad que j'ai acheté l'année passée dans la file, il y avait un problème de... L'écran coulait, en fait. Donc, il y avait un problème... On dit couler, là, mais c'est pas vraiment couler. Là. C'est, il y a un problème avec la lumière alentour, là, le Dell qui est alentour d'écran. Ah, OK. Puis quand j'écoutais un film où... aussitôt que c'était un peu plus noir, on voyait une ligne alentour blanche puis un petit peu jaune. C'est un problème que ça fait un certain temps. Je pensais que c'était la colle. Au départ, il y avait des problèmes pour les premiers iPads puis ça pouvait s'estomper avec le temps puis ça ne l'a jamais fait. C'est les écrans LG qui avaient des problèmes. Oui, mais c'était pas vraiment le problème de colle, c'était vraiment l'écran qui coulait. Donc, puis il me restait 4 jours pour ma garantie, fait qu'il a fallu que je le change le plus rapidement possible. Là. Fait que j'étais à Québec. En une demi-heure, tout était changé, je suis parti avec le iPad. Moi, je me suis pris deux rendez-vous cette semaine. Je suis allé, j'ai fait comme 4 affaires au Apple Store. C'était vraiment drôle. Mais les gars, avez-vous... Ben toi, Alexis, parce qu'il n'y a pas personne d'autre qui en a, là, puis le monde dans le chat aussi, est-ce que vous avez remarqué aussi que votre iPad chauffait beaucoup plus que le deuxième? Ben, j'ai pas l'habitude de me le mettre sur les jambes parce que je trouve que c'est une position un petit peu bizarre pour un iPad. Puis moi, il est dans une coquille que je vais vous présenter brièvement. Je vais la montrer à l'écran. C'est un de mes amis qui m'a prêté ça et je devrais en parler dans les prochaines semaines. C'est un truc qui est fait par Joby. Ça s'appelle le Gorilla Mobile Ori. Donc, si vous le cherchez sur Internet, je le trouve très, très beau. Comme ça. Il y a un petit peu de traces de doigts. Je trouve que ça ressemble à un disque de Tron. Il suffit de mettre une petite à l'intérieur, une petite fibre optique là, qui allume bleu, là, puis ça ressemblerait. Et c'est un cover, OK, pour le iPad, mais c'est aussi un socle. Donc, je vais vous présenter ça dans les prochaines semaines. On a contacté la compagnie, d'ailleurs. Mais oui, j'ai lu ça, effectivement, qu'il chauffait un peu plus. Ben, si tu veux commencer, tiens, dans les nouvelles, cher JF, ou peut-être Bernard. Ben, c'est ça. On va parler vite de l'affaire, qu'est-ce qui s'est passé lundi avec les actions qu'Apple ont données en dividende, que c'est depuis 1997 qu'ils n'ont pas donné de dividende sur l'action. Tim Cook a fait un appel à tous qui vont donner maintenant par action versée au trimestre, aux 3 mois, de 2,65 de l'action de chaque personne qui a une action. Fait que si une personne a 3-4 actions, multipliez ça par 2,65, vous allez recevoir un beau petit chèque. Mais aussi, il y a un programme de rachat qui s'est fait sur trois ans. Le programme de rachat, c'est pour enlever un, parce qu'ils considèrent qu'il y a trop d'actions sur le marché. Donc, ouais. Eux veulent en enlever pour essayer de pousser la valeur de l'action encore un peu plus haut. Hier soir, on faisait nos analystes. Là, c'était comme. C'était assez quelque chose. Hier soir, là, on calculait avec Jason toute la patente. Là. Fait que c'était. C'était le fun. Mais c'est ça. Il y a un programme de rachat de 10 milliards sur. En fait, c'est 3 ans, mais c'est 10 milliards par année parce par que ce année. Qu'on a lu. Ce qu'on a lu, c'est que, bon, toutes ces tractations-là coûtent de l'argent et tout ça, bon, et qu'en tout, en fait, de son total de 97 milliards de dollars, Apple allait se débarrasser, si on veut, à peu près 45 milliards. Donc, ouais. C'est 10 milliards par année plus le rachat des... plus, c'est-à-dire le dividende. Maintenant... on a aussi fait un calcul et, ben en fait, non, l'article sur lequel qu'on a lu disait que Apple faisait 30 milliards par année d'argent. Donc, en calculant que dans les trois prochaines années, ils vont donner 45 milliards, sauf qu'ils vont en faire 30 par année, ben ils devraient être rendus à peu près là, proche de 150-160 milliards d'ici, tout en ayant payé tout ça. Là. Fait que, en tout cas, c'est pas fini, ça n'a pas fini de monter cette action-là. Mm-hmm. Non, c'est ça. Voilà. Apple a répondu, tu parlais du problème de chaleur, ils ont dit qu'est-ce qu'il en était à propos de ça? Ben, il faut dire aussi que, ben oui, ils ont répondu oui puis non, mais il faut dire aussi que c'est le problème vient de l'écran. L'écran est maintenant un écran Retina qui chauffe, qui prend plus de courant, tu sais. Oui, c'est sûr. Que c'est ça, puis là, ils ont fait, c'était tellement drôle. Tu vois le monde, là, il y en a qui ont de l'imagination, là. Tu sais, j'ai vu des photos sur Internet, là, un iPad 2 avec un nouvel iPad de chaque côté, avec un dispensateur de chaleur, tu sais, avec un... avec les lunettes qu'on voit la chaleur. Ouais. Il montrait ça, puis là, il calculait avec le degré de chaque combien qu'il faisait. Il y en a un qui était vraiment orange, vu qu'il se faisait plus chaud, c'était le nouveau. Puis le petit bleu avec une tache orange qui était l'iPad 2. Ils ont calculé environ 10 degrés de différence de chaleur entre les deux modèles. OK. Est-ce qu'il donne un range? Je pense que j'avais lu comme 33 degrés ou quelque chose comme ça. Ah, je me souviens plus. Je me souviens plus, c'est vrai. Je me souviens plus le combien qu'il fait, combien qu'on calculait. Je sais pas s'il y a quelqu'un dans le chat qui pourrait nous dire à combien qu'il fait l'iPad 2, combien de degrés qu'il dispense de chaleur l'iPad 3. Je l'ai ici dans l'article. En fait, c'est pas tant que ça parce que. En fait, ce qu'il disait, il prenait le point le plus chaud du iPad 2 et le point le plus chaud du iPad nouveau. Et la différence était de 28,3 degrés à 33,6 degrés. Donc, on parle d'une différence de moins de 6 degrés entre les deux. Là. Mm. Fait que c'est sûr que c'est plus chaud. Et l'ensemble, c'est sûr que la photo est assez impressionnante parce que l'ensemble du produit est plus chaud. Mais ça reste quand même... très acceptable, 33,6 degrés là, en tant que tel. Tu sais, mon MacBook Pro en ce moment roule à 29 degrés, 36 degrés en moyenne. Il fluctue, là, mais 36 degrés en moyenne et il fait rien. Là, tu sais, fait que, ça, c'est pour mon ordinateur. Donc, il est plus chaud que le nouveau iPad. Fait que faut remettre en perspective. Parlant du nouveau iPad, en fait, c'est bien le fun qu'il y ait du LTE là-dedans, là, mais ça part vite, du LTE. C'est comme... c'est assez malade, là. Ils ont fait les calculs... Ils ont fait les calculs à partir d'une connexion, parce qu'aux États-Unis, c'est comme on disait hier, le data, il n'est pas le même. Ils n'ont pas, comme genre ici, 6 ou 10 gigs de data. Fait que eux autres, ils ont pris à partir de 2 gigs le montant du mois. Ouais. Et ça a pris 17 minutes. 17 minutes à passer 2 gigs de data en LTE chez AT&T. Fait que 17 minutes pour 2 gigs, là, checkez vos affaires parce que vous allez manger vos bas. Je l'ai fait activer, moi, finalement, le LTE. Ah ouais? J'ai gueulé toute la semaine à propos de Rogers. Là, je les haïs puis tout. Là. Sauf que je me suis dit, bon, peut-être qu'ils vont revenir sur leur position. Et en attendant, ils ont une promotion en ce moment. La promotion, c'est un plan flex. Et le plan flex, en fait, commence à 5$ pour quelque chose comme 10 mégs. Bon, c'est sûr que tu passes au travers puis tu passes tout de suite à la tranche suivante. Sauf que Safari puis c'est fini. Oui, c'est ça. Les deux premiers mois, par contre, sont gratuits. Okay? Donc, il n'y a pas de frais pour les deux premiers mois. Il n'y a pas de contrat. Okay? Et la promotion, là, je vous en parle chez Rogers, mais elle existe chez Fido, elle existe chez Bell et elle existe chez TELUS, si je ne me trompe pas. Ouais, et en fait, sur iPad in Canada, ce qu'ils disaient, c'est que c'est le meilleur deal est peut-être d'aller avec Bell parce que eux, pour 10$ de plus, sont capables de te faire rentrer tous leurs postes dessus par les airs, tout le kit, et ça ne consomme pas de données. Donc, tu veux dire quoi par les airs? T'as un capteur ATSC? Non, t'as une application probablement qui te permet d'aller streamer les canaux de télévision de Bell. OK, parce qu'en Europe, tu as un ITV qui appelle TVZen, qui permet de capter. C'est un bidule carrément que tu mets dans ton dock connector. Le TNT, je pense, hein, c'est, ouais, c'est ça? Oui, TNT. Puis, et tu captes, dans le fond, la télé numérique là, via ton petit bidule. OK. Il semblerait, en fait, on nous dit, c'est Daniel qui nous dit ça dans le chat, que le 10$ qu'on paierait chez Bell, c'est pour 5 heures de télévision, ce qui est, je ne sais pas exactement, là, mais c'est quand même assez bon. Là. Une fois que tu te rends compte que tu as touché ton 5 heures, tu t'en vas sur Netflix ou quelque chose, là, il y a d'autres choses à faire dans vie que ça. En parlant de Netflix, deux secondes, ils ont mis l'application à jour. Oui, sauf qu'il n'y a pas de contenu. Ils ne streament pas encore. On va en parler un petit peu plus tard, mais ils ne streament pas encore en 1080. Juste pour finir sur ce sujet-là, donc j'ai pris le truc et l'autre morceau de la promotion, c'est qu'ils doublent la bande passante. Donc, si tu arrives à 35$, qui est à peu près le maximum, c'est 5 gigs, bien là, c'est 10 gigs qu'ils te donnent. Fait que c'est quand même pas si pire en LTE, je veux dire. Moi, à date, là, à part faire des speed tests, je n'ai pas fait grand-chose. Donc voilà. C'est quoi la vitesse de maximum, tu as pris? 26 mégabits à la route en me rendant à Montréal. Fait que j'en faisais plusieurs. Habituellement, ce qui est vraiment impressionnant, c'est la vitesse d'upload. T'sais, si jamais j'ai un podcast à faire, on avait essayé, Bernard puis moi, l'année passée, de le faire, je sais pas quoi, avec une connexion Wi-Fi, bien loin, là, en Ontario. Puis, ça avait pas vraiment marché. Et alors, quand tu étais en vacances? Oui, c'est ça. On avait essayé de faire le podcast. Ben, ça avait plus ou moins marché. Ben, il y avait plusieurs raisons là, à ça. Là, mais c'était pas juste une question de vitesse. Mais effectivement, on avait des petites pertes aussi. Mais là, si je stream avec ça, là, ça va passer. Là, le prochain événement, là, si on n'a pas la connexion du 400 espace Bell comme on avait au WAC, on va pouvoir utiliser ça. Ça devrait bien aller. C'est bon, ça. On va parler aussi, prochaine nouvelle, on va parler aussi de. Ben, on sait que Apple, quand ils ont annoncé le nouveau iPad le 7 mars, ils ont sorti aussi l'application sur iOS de iPhoto. Oui, super belle. L'avez-vous essayé? Ouais. Oui, sur iPhone, c'est pas trippant. Non, c'est pas trippant, mais je l'ai acheté quand même parce que je voulais l'essayer. T'sais. Mais c'est quand même bien, là. Puis la recette que tu m'avais donnée, j'ai pas vraiment eu le temps de l'exploiter non plus là, pour l'installer sur l'iPad 1. Mais sur le nouveau iPad, ça fonctionne très bien. J'ai essayé les brosses en tant que telles, que tu peux améliorer les yeux rouges, la clarté de l'image, tout ça. Ça fonctionne vraiment très bien. C'est vraiment chouette. OK. Puis la qualité de photo et de vidéo est vraiment aussi très bonne. Oui, c'est ça. OK, ouais. Pour venir avec l'application, ils en ont vendu 1 million. En combien de temps? C'est combien déjà qu'on avait vu? Et c'est à 5$ de l'application, tu sais. Puis ouais. ça fait presque 5 millions, donc. Ça fait 5 millions en 10 jours. Voilà. En 10 jours, ils ont vendu 1 million d'applications. Puis pour Apple, ce genre d'application-là, ce qui est intéressant, parce que là, la suite iLife au complet est sur, le iPad. Et on dit souvent, ou en tout cas, moi, c'est ce que je répète souvent, que le iPad est un appareil de consommation de contenu. Et Apple, en fait, essaie de montrer tout ce qui est possible de faire. C'est souvent des vitrines technologiques pour les développeurs qui peuvent s'inspirer de ça. Puis honnêtement, c'est sûr qu'Apple a accès à des API privées puis des trucs comme ça, puis qui peuvent nous faire des affaires super beaux auxquelles les développeurs n'ont pas accès. Sauf qu'il faut le dire, les applications d'Apple sur iOS en matière d'expérience utilisateur, en matière de comment est faite l'application, c'est vraiment très bien. Puis, c'est très user-friendly. Voilà, ouais. Ce sont des applications qu'on peut utiliser pour créer du contenu. Là, on va voir une pléiade là, de films qui ont été faits entièrement avec un iPad et tout ça. Probablement, une cinquantaine d'iPads qui ont été utilisés pour faire un Matrix effect autour d'un personnage, autour de quelqu'un. Fait qu'il risque d'avoir pas mal de ça qui vont apparaître sur les internets. Mm. On a une news qui dit moins de Mac et d'iPad chez Microsoft. Chez Microsoft, oui. J'avais trouvé ça pas pire. C'est comme, on avait vu, c'est quand il avait sorti le développeur preview de Windows 8, on avait vu que sur le bureau d'un gars qui travaillait chez Microsoft, on avait vu qu'il y avait un bel écran Apple. Mm-hmm. Fait que... c'est ça, fait que c'est parce que ils veulent, tu sais, c'est comme ils ont à peu près 46 000 salariés à travers le monde pour puis là ils ont, tu sais, ils veulent, parce qu'ils veulent vendre leur téléphone, tu sais, leur Windows Phone, et tu sais, le monde, tu sais, ils vont avec les choses qui fonctionnent le mieux, on peut dire ça, tu sais. Fait que ils ont décidé des employés d'enlever les iPhones et les iPatentes au complet de chez Microsoft. En fait, c'est une forte suggestion à ne pas consommer. C'est une forte suggestion. On va mettre ça aussi en version québécoise. Chez Québécois, chez TVA, tu n'as pas le droit de rentrer avec ton iPhone. Ouais. Fait que, Ni dans les émissions de télé. Ni dans les émissions de télé. Eux autres sont encore pognés avec leur BlackBerry et leur Android. Ils interdisaient pas. En fait, c'était juste au niveau du budget. Vu que certaines équipes, par exemple, on voyait le iMac dans les images là, pour Windows 8, ils veulent plus que ça, dans le fond, que les iPads ou les iPhones ou les iMac ou tous les produits Mac passent par le budget de l'entreprise. C'est vraiment ça le... Ah, OK, bon. Ouais. Mais j'ai vu aussi une photo que c'était une présentation Windows sur la scène. Tu voyais l'ordinateur. Oui, c'était un MacBook Pro. Oui, je l'ai tweeté d'ailleurs, moi aussi. Oui, c'était drôle. Tu parlais il y a quelques minutes d'une nouvelle à propos du iPad. Je me souviens plus c'est quoi. Puis je disais qu'on allait y revenir. Là. Tu te souviens-tu, Jeff? Du iPad? Netflix? Oui, Netflix, voilà. Oui. Fait que c'est un peu dommage parce que bon, l'application a été mise à jour, mais Netflix, comme Apple au Canada, ne diffuse pas de contenu en 1080p. Non, pas encore. C'est ça qui est poche, parce que même encore avec le Apple TV que Bernard s'est acheté, que moi j'ai pas encore. Mm-hmm. Puis il n'y a pas de contenu encore au Canada. Parce que ça fait quand même. Plus qu'une semaine à peu près. Ça fait trois semaines. Excusez. Fait que ça fait trois semaines que c'est sorti. Là. Fait que, non, c'est pas vrai. Ça peut pas faire ça. Ben, ils l'ont annoncé depuis le 7 mars. Fait que calculer à partir du 7 mars. Hein. Voilà. Fait que moi, je calcule trois semaines. Fait que, tu sais, aux États-Unis, ils l'ont déjà. C'est arrivé, je pense, la semaine passée en France, qu'il y a des films qui ont commencé à arriver en 1080p, mais ici, au Canada, on ne l'a pas encore. Okay. Fait qu'on est encore pogné avec des versions de 720p, que même si tu achètes ton Apple TV, que tu dis, hey, wow, je vais au moins, enfin, je vais pouvoir écouter mes films en 1080p, tu sais. Mais tu t'en vas sur le store, là, même les derniers films comme Tintin, puis La fille au. Avec le film avec Daniel Craig, là. Tintin. Tiger. Dragon. Tintin, oui. Millennium. Ouais, Millennium, là, c'est ça. Fait que c'est pas ça, Tintin. Encore... C'est pas Tintin, c'est Tintin. Non, mais ça, c'est Vincent. C'est pour Vincent. Ça. On est insultant Vincent avec ça. OK. Fait que, sont encore à 720p. Il faudrait que tu réécoutes les vieux épisodes. Oui. Okay. Fait que c'est ça. Fait qu'ils sont encore en 720p. Fait que voilà. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils attendent, là, mais ça ne doit pas être compliqué. Ils ont dit que c'était dans les pipes que ça allait arriver, mais ils n'ont pas dit quand. Tu sais, puis, bon, c'est ça. Fait que ça enlève un petit peu du lustre au Apple TV. Là. Oui. Je veux dire, il ne sert pas à grand-chose. Si il n'y a pas de film en 1080p, puis il n'y a pas de... Il y a, bon, c'est sûr qu'une fois jailbreaké, mais il ne se jailbreak pas encore. Tu sais. Non. Fait que c'est un peu limité, honnêtement. Toi, es-tu satisfait, Bernard? Ben, je ne l'ai pas encore branché. Ah, voilà, OK. C'est un projet de fin de semaine. Okay. Mais ce que j'ai lu, c'est qu'il y avait le double de mémoire RAM, ouais. Mais pas au niveau... Il y a toujours ces 8 gigs, ouais. Pour d'espace. Mais il y a le double de RAM et un processeur A5 dedans. C'est sûr qu'une fois jailbreaké, ça va faire jouer tes films MKV, ton Ubuntu MKV 1080p, mais... pour l'instant, ça ne sert pas à grand-chose. Je veux dire, c'est en prévision de... Non, c'est ça. Moi, je l'ai acheté parce que j'avais besoin d'un autre Apple TV pour la télé du salon, mais ça a donné qu'il y a un nouveau modèle. J'ai attendu, dans le fond, un petit peu pour acheter ce nouveau modèle-là. Sinon, c'était pas une décision du 1080p nécessairement. Bon, OK, ça, c'est le fun qui est là. J'ai attendu un petit peu pour ça. Mais disons que c'était pas le choix numéro un là, qui m'a fait décider. D'accord. Fait qu'on va passer à une dernière. On va passer à une nouvelle, puis après, on va faire la chronique à Vincent. Oui, voilà. Pour lui laisser un peu de temps. Oui, c'est ça. Fait que hier soir, moi et Alexis, on était sur Internet. Et je vois passer sur Twitter la version bêta de Photoshop, c'est S6. Et on l'a installé. On a fait un combat de coq, moi puis Alexis, lequel a été installé le plus vite. I win! Oui, je le sais, ça. Avec ton SSD, c'est sûr que tu vas me battre. Merci. Fait que la version bêta est maintenant disponible et totalement gratuite pour les utilisateurs qui veulent l'essayer. C'est encore comme l'engin est encore comme le CS5.5 dans un morceau. Là. C'est pas à la je sais pas trop quoi de Apple qui 5.5 n'était pas comme ça. C'était des palettes flottantes encore. Là, ils ont vraiment fait une fenêtre à l'intérieur. Oui. Ouais, c'est ça. Il y a pas mal d'améliorations. Les experts, j'ai regardé un petit peu de vidéos aujourd'hui, sont vraiment, ils trippent vraiment là. Tu sais, il y a beaucoup d'améliorations sur des trucs de base. Ils n'ont pas essayé de pitcher des nouveaux features puis des nouveaux trucs. Ils ont essayé d'améliorer des trucs très très de base sur le produit. Fait que ça reste à regarder. Un des trucs, moi, par exemple, qui me déçoit, c'est qu'il avait montré un espèce de features à un moment donné qui allait venir dans Photoshop et qui était pour déblurrer, en fait, enlever le blur des photos. Tu sais, quand tu prends une photo qui est hors focus, puis tu pouvais passer cet outil-là dedans et c'était supposé enlever cet effet-là. C'était un algorithme qui était incroyable. Ouais. Et c'est toujours comme ça là, dans les démonstrations de t'sais, ils prennent la photo genre parfaite pour faire ce feature-là, puis ça marche à tout coup. Mais on ne l'a pas trouvé. Puis dans les vidéos, en fait, que j'ai vues sur Photoshop, ils n'en parlent pas non plus. Ils n'en parlent pas non plus, c'est ça. D'après moi, ils vont, comme j'ai dit hier, ils vont le mettre à la fin, d'après moi. J'ai vu que ce nouveau Photoshop-là pouvait faire de l'édition vidéo également. Oui, effectivement, c'est une des fonctionnalités qu'il y a, puis ça a l'air de bien marcher. Il y a plusieurs sites qui donnent des cours comment fonctionner le logiciel, comme Lynda.com, comme Tuto.com, site français, qui ont déjà des cours pour le Photoshop CS6 bêta. Excellent. Il y a probablement des podcasts aussi que vous pouvez trouver, là, des productions qui sont faites habituellement de ce côté-là. C'est un logiciel très puissant que j'ai appris il y a une dizaine d'années, mais que là, ça a tellement changé que je me rappelle plus trop. Voilà. Donc, hey, Vincent, on va. T'as 4 minutes. En fait, tu peux manger un peu. Tu peux manger un peu plus de temps. Tu peux ouvrir ta caméra aussi. Moi aussi. Il est pas habillé. J'ai encore mis mon pantalon. Okay. Non, tout nu de Vincent. En fait, il fait le podcast de son garde-robe présentement. Bon, on va. Il va sortir du placard? Tu vas sortir du garde-robe? En fait, juste avant de parler de ma chronique, j'avais mis dans ma chronique, mais finalement, c'est plus une nouvelle. En fait, il y a une étude qui a été produite par Microsoft avec une autre université, puis j'ai aucune idée comment on la prononce. C'est Purdue, P-U-R-D-U-E. Puis en fait, ils ont découvert que les versions gratuites des applications consommaient beaucoup plus d'électricité au niveau de la batterie que les payantes. Puis c'est assez simple qu'on y pense, là. C'est vraiment à cause des publicités. Puis pourquoi? Parce que quand on développe normalement une application, par exemple, moi, une application pour des horaires d'autobus, moi, je l'ai fait normalement hors ligne. Mais si je décidais de rajouter de la publicité, automatiquement, il faut se connecter en ligne. Puis déjà là, ça va... Automatiquement, là, vous allez prendre un peu plus de votre batterie pour vous connecter en ligne. Puis ce qui est dommage avec la publicité, c'est que, par exemple, par Google, qui a AdMob, je crois, eux, ils utilisent la géolocalisation pour pouvoir te donner de l'information plus près de toi. Puis aussi, l'exemple de l'horaire d'autobus, ça fonctionne un peu mal, mais... certains autres sujets, ils peuvent détecter ce qui est dans l'application. Donc, te pousser des applications ou du texte qui est semblable à ce que tu es en train de faire avec l'application gratuite. Donc, c'est un petit peu un plus. Des fois, si vous utilisez beaucoup d'applications gratuites, je donne un exemple qui est donné dans l'article qui parle de Angry Bird gratuit, qui parlait que seulement 20% de l'énergie qui est consommée sert au jeu. 45 au niveau de la localisation de l'appareil là, pour la pub, donc la pub locale, puis 25% pour le 3G. Vraiment, ça prend beaucoup plus de batterie que des applications payantes. Donc, si vous avez une application gratuite qui a beaucoup de publicité, attendez-vous peut-être à avoir un petit peu votre batterie descendre un peu plus souvent. Ou si vous l'utilisez et que vous avez fini, fermez-la en bas quand vous cliquez deux fois sur le bouton. Fermez-la pour que le multitâche, dans le fond, quitte. Donc ça, c'est un tip pour ça. Parlant d'Angry Birds, il y a Angry Birds in Space qui est sorti. Ouais. J'ai joué avec ça aujourd'hui. J'ai perdu pas mal de temps. Ah ouais? Ouais, continue. Ouais. En fait, les pertes d'énergie, c'est le nombre de temps que tu passes là-dessus. Là. Oui, ça, c'est le temps. J'ai joué à l'application, puis quand je l'ai fermé, là, vraiment pas longtemps après, 50% de mon iPad était vide, tu sais. Ah, mon Dieu! Puis j'avais oublié les enfants à la garderie. Puis quand tu commençais à jouer, il était 9h le matin. Oui, c'est ça. C'est ça. Puis pour ma chronique, en fait, c'était... je voulais parler rapidement des autres services que Xcode, puis pas en bien. Alexis m'a fait penser à... Il m'a référé un article qui est intéressant que j'ai pas lié avec moi, là, mais ça vient du... New Yorker, je pense. En fait, l'article parle que ceux qui ont utilisé jusqu'à maintenant les plateformes de Adobe, en l'occurrence, pour faire leur truc, c'est que cette application-là, quand tu fais une application, ton canevas, il est fixe. Donc, tu es à 1024 par 768. Et Condé Nast, qui possède entre autres le New Yorker et plein d'autres magazines prestigieux, a fait ses applications avec les applications d'Adobe. Fait que toutes leurs applications sont en 1024 par 768. Mm-hmm. Sur un iPad, ben sur le nouveau en tout cas, c'est lettre. C'est un des désavantages sur ces plateformes-là, c'est que s'il y a une mise à jour comme ça sur le Retina Display qui apparaît sur l'iPad, qui n'est pas envisagé ou est peut-être envisagé mais il n'est pas sorti, le Xcode est sorti en même temps que la fin du Keynote, donc tout le monde pouvait se procurer puis commencer à développer là-dessus. Malheureusement, c'est un problème qui est récurrent avec d'autres plateformes comme ça, dont Adobe Air. Il y a certaines fonctions, certains API privés de Apple que, de base... c'est pas vraiment une API, mais quand vous utilisez Google, par exemple, il y a des petites fonctions dans Google Maps que vous utilisez, qui est très facile à utiliser sur Xcode, qui l'est moins sur Adobe. C'est toutes des choses comme ça qui en fait, Le seul avantage que je vois pour utiliser Adobe Air ou d'autres plateformes comme ça, c'est que vous n'utilisez pas Objective-C, qui est le code principal pour développer sur Xcode, sur les applications iPhone, iPad, donc iOS qui en est, général. Qui est plus compliqué que d'autres types de... Non, ce n'est pas plus compliqué. Moi, je l'utilise, puis je trouve pas ça plus compliqué que les autres. Là. C'est juste, j'imagine, puis c'est vrai, quelqu'un qui ne veut pas apprendre un autre langage que travailler sur du Flash, sur du JavaScript, du HTML, pourrait aller avec cette plateforme-là, parce que tu n'as pas d'Objective-C dans Adobe Air. Adobe Air, tu as seulement, justement, c'est JavaScript, tu as du HTML, tu as du Flash, tu as du ActionScript. J'ai oublié c'était quoi, là, mais... C'est dans Flash, du ActionScript. Ouais. Donc, c'est en fait, c'est le seul... Pas le seul inconvénient, mais le seul avantage pour utiliser ces plateformes-là. Donc, vous n'allez pas pouvoir profiter des différentes API privées ou des publics pour les développeurs. Certaines ne pourront pas être disponibles sur Adobe. Puis même, c'est un petit peu plus compliqué aussi à publier des applications parce que vous devez passer par Application Loader. Puis, donc, il y a deux, trois petits trucs à faire avant. Sur Xcode, c'est maintenant beaucoup plus facile qu'avant. Donc, le Application Loader est comme inclus dans Xcode, dans les dernières versions, là, à tout le moins. Donc c'est ça. C'est juste un petit wrap-up. Quand j'ai vu cet article-là, je me suis dit, pourquoi pas en parler? Là. C'est beaucoup plus pratique d'utiliser Xcode que d'autres plateformes. Puis, parlez-moi pas de App Maker ou d'autres plateformes comme ça. Là. On viendra peut-être... Mais peux-tu nous commenter la nouvelle qui est sortie cette semaine sur à l'effet que les développeurs d'Android commencent à déserter cette plateforme-là au profit, je ne dirais pas au profit d'iOS, mais dans le fond, ils veulent plus se casser la tête sur Android. C'est peut-être, j'ai pas vu okay. La raison principale, mais moi, je dirais, j'ai voulu essayer là, de faire un peu de JavaScript, de Java, puis de développer. Premièrement, la plateforme, c'est de la merde, là, vraiment. C'est Eclipse que vous utilisez comme logiciel pour le développement, puis le SDK de Android que vous rajoutez. C'est vraiment pas user-friendly. C'est user-friendly pour un développeur, je parle, pas pour quelqu'un du public. Là. Mais c'est assez dur là, à travailler. Puis moi, je travaillais pas beaucoup avec JavaScript, Java. Donc, encore là, c'était un nouveau langage que je voulais apprendre. Puis finalement, ça m'a vraiment donné le goût de pas apprendre ça. Parce qu'il y a quelques semaines de ça, à un moment donné, j'avais dit que sur Android, un des principaux défauts d'Android, c'est que justement, il y a une multitude d'appareils. Tu as toutes sortes de specs sur chacun de ces appareils-là. Il y en a qui ont des différentes grandeurs d'écran, différents processeurs. À un moment donné, ça devient difficile pour un développeur de développer pour répondre à l'ensemble de toutes ces spécifications-là. Puis en fait, ce qui est pratique sur iOS, contrairement à Android, justement, tu en as parlé des différentes plateformes, des différentes grandeurs d'écran, des images là, que tu utilises pour développer, pour utiliser dans une application. Moi, si je vais être, pour que ce soit assez simple, un iPhone, c'est 960 par 640, l'écran Retina Display, 320 par 480 avec la barre là, de la batterie en haut. L'iPad, c'est aussi maintenant deux formats différents, 1024 par 768 puis 2048 par 1536. Donc, tu as juste à travailler avec ces plateformes-là. Tu n'es pas obligé de chercher ou de faire 10 différentes versions de ton dessin dépendant de la plateforme que tu es parce que justement, tu as 4 grandeurs d'écran à utiliser. Puis bientôt, l'iPhone ne supportera plus vraiment le 320 par 480 parce que ils veulent vraiment pousser le Retina Display, donc c'est ça. OK. Voilà. Grand soupir de Jean-François. Oui. Ouais. on va finir l'émission là-dessus. On va pouvoir basculer, prendre un 10 minutes. Et est-ce que tu avais fini ta chronique, Vincent? Oui, j'ai fini. OK. Ben moi, j'ai juste quelque chose à rajouter. OK. Est-ce que vous savez combien d'applications Apple reçoit par semaine à faire valider? Non. J'ai vu passer ça cette semaine. 26 000 applications à valider par semaine, environ. 26 000? Oui. Ils sont juste rendus à 500 000 applications. Ça veut-tu dire qu'ils en refusent beaucoup? Ben, ils doivent en refuser aussi, mais tu sais, toutes les mises à jour que les développeurs doivent faire... Tu as dit par semaine? Oui, par semaine. Ça doit comprendre les nouvelles versions. Okay. Les nouvelles versions, toutes ces affaires-là, mais c'est quand même 26 000 par semaine. Ouais. Fait que ça doit être... Quand tu as une application, en fait, tu passes sur le même processus que si tu voulais créer une application. En fait, c'est juste ton texte, puis tes icônes, puis ta description d'application qui est déjà là. Tu fais juste une mise à jour, mais tu envoies par le même processus, par la même... en fait, c'est... Le processus pour accepter est pareil. Donc, c'est comme si tu envoyais une nouvelle application. Ils vont pas juste faire une mise à jour des nouvelles choses. Quoique, espérons peut-être un jour. Là, ce serait peut-être intéressant de télécharger juste ce qui est à modifier. Mais vraiment, ils remplacent toute l'application. Donc, c'est sûr que mise à jour, ceux qui sont acceptés, ceux qui sont refusés puis qui sont renvoyés la semaine d'après, je suis sûr que ça doit être un chiffre autour de ça. Là. Bon, là, on va terminer ça là. Fait que... On va basculer sur les amateurs de Mac. Bonsoir. Et puis, on vous invite à revenir dans quelques minutes. Nous, on va aller prendre une petite pause et puis on revient. Où est-ce qu'on peut vous retrouver sur Internet, les gars, rapidement, Jeff? Ouais, fait que moi, on peut me retrouver sur Twitter à JeffRoy1979, sur Google+, sur Facebook. Je suis partout sur le site de Mac Québec, vous pouvez me voir aussi. C'est ça. Puis toi, Bernard? Bon, on peut me retrouver principalement sur Twitter, @cybernard, et également sur Facebook, facebook.com/cybernard. Et je suis en train de me montrer un about.me/cybernard. Oh! Ah oui? Oui, j'en ai fait un de ça, c'est assez cute comme truc. Ouais. Je vais aller voir ça. Vincent, où est-ce qu'on peut te retrouver? On peut me retrouver sur Twitter à DEVVMiller ou par mon site web si vous voulez créer une application iPhone et iPad. Donc, pas d'Android. T'en as déjà quelques-unes sur le App Store, d'ailleurs, des applications. Oui, j'en ai quelques-unes. Ça tourne autour du podcast, des différents podcasts de Mac Québec ou des horaires d'autobus. Si vous êtes à Gatineau ou à Trois-Rivières, vous allez pouvoir utiliser une de mes applications. Excellent. Pour ma part, vous pouvez me retrouver au Alex Cornelier sur Twitter. Vous pouvez aussi me retrouver, en fait, je suis les pages Mac Québec et le compte Mac Québec. Donc, si vous adressez à moi par ces canaux-là, je vais être disponible. Et aussi le service de Mac Québec, en fait, qui est un service à domicile de consultation, de formation et de technique à domicile pour vous aider avec vos produits Apple à mettre tout ça en place et que ça fonctionne bien. On vous dit à dans 2 semaines pour d'autres nouvelles Apple. Bonne soirée. Bonne soirée. Bye.